me on R.I.G. R.I.G. Oh, la marche, c'est vachement plus ordonné que nous. R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. Comment allez-vous? Bonsoir, c'est Thierry Gallet qui est présent jusqu'à 22h pour la 327e édition de la saga des Fab Four sur RIG 90.7 pour la FM. Et si vous nous suivez sur le net, c'est sur www.rigfm.fr. J'espère que vous allez bien. On va passer 2 heures à écouter Paul McCartney, les Beatles, John Lennon, les Beatles, George Harrison, les Beatles et Ringo Starr, les Beatles. Bref, ça n'est que ça, mais c'est très bien et ça existe depuis 1984. Bref, l'album de la semaine, un très grand album, un double album, l'album blanc. L'album blanc parce que l'année d'avant, 1967, c'était une couverture très très riche avec énormément de personnes sur la pochette. Du coup, l'année d'après, les Beatles, qui ne voulaient pas refaire la même chose, se sont dit, on va faire le contraire. On a fait une pochette extrêmement compliquée, on va faire une pochette simple avec rien. Rien, juste The Beatles, qui était à l'époque même pas en couleur. C'était surimprimé dessus, je crois. Et c'est devenu l'album blanc par défaut. Et plus personne ne peut faire un album blanc sans qu'on soit fait une référence aux Beatles qui l'ont fait d'abord. Voilà. On écoutera Birthday, des fois que ce soit l'anniversaire de quelqu'un, ce soir. Il y aura également ma chanson préférée des Beatles, While My Guitar Gently Weeps. On écoutera Your Blues, Julia, Revolution One et Don't Pass Me By. Voilà ce qui fera l'objet de l'album de la semaine, puisqu'on n'a que 2 heures devant nous. Il y aura du McCartney, du Lennon, du Harrison, du Starr, bien entendu, avec pour McCartney une chanson que tout le monde connaît, mais qu'on n'a pas écoutée depuis un moment dans la saga des Fab Four, ce sera Jet. Pour Lennon, ce sera How, sur l'album Imagine, en 1971. Jet, c'est sur Ben on the Run, bien entendu, en 73. George Harrison nous chantera I Live For You, sur All Things Must Pass, et Monsieur Ringo Starr se fendra d'un petit Bokoops of Blues sur l'album éponyme, l'album qui s'appelle Bokoops of Blues. Voilà le programme. Je vous propose de souhaiter l'anniversaire à quelqu'un. Alors, comme j'ai pas eu le temps de faire de demander, bon anniversaire si c'est votre anniversaire aujourd'hui, de la part de toute l'équipe de la saga des Fab Four. Jet en 1973 sur l'album Ben on the Run. Son introduction tendue claque alors comme un coup de fouet. Elle porte en elle la griffe très particulière du hit instantané dont les premiers riffs nerveux sont immédiatement identifiables. Emmené sur un rythme hyper tendu avec rupture de tempo à la clé, ce rock flamboyant et tonique ne trouve d'équivalent à sa vigueur que l'opacité redoutable de son propos. La texture compacte de l'ensemble est rehaussée du chant très sûr d'un McCartney au meilleur de sa forme vocale. Premier single extrait de l'album, Jeff fait mouche immédiatement et se hisse à la seconde place des charts britanniques et catapulte du même coup les ventes de l'album vers des sommets vertigineux. L'album entier, d'ailleurs, Ben on the Run, est traversé par un souffle de liberté qui transpire dans tous les thèmes abordés. C'est un album qu'il faut avoir dans sa discothèque. Ben on the Run, sorti en 1973. How can I go forward when I don't know which way I'm facing? Way to turn. Feel. Entre les bordées révolutionnaires de Power to the People et l'album Sometime in New York City, l'album Imagine en 1971 représente une pause dans la carrière du porte-parole de la contre-culture. À chaque fois qu'il s'exprimait, il avait le don de paraître totalement convaincu. Pourtant, il était fortement enclin à des intervalles de doute. Et How la chanson s'appelle comme ça, décrit un tel instant. En dehors de son orchestration ouvragée, cette chanson aurait dû logiquement faire partie du coup de l'album précédent, l'album Plastic Ono Band, avec ses thèmes qui ne nous sont pas inconnus, l'absence d'un sens à la vie, la peur de l'avenir et l'incapacité émotionnelle. Décidément, le pauvre Lennon, il voulait paraître fort et genre voyou, mais il était très très à la recherche d'amour, en tout cas à l'intérieur de lui-même. Voici George Harrison maintenant, en 1971. Cette chanson a été écartée de l'album All Things Must Pass, et c'est dommage. On lui a rendu justice à cette chanson-là en la remettant en l'an 2000 sur la remasterisation de l'album. Voici I Live For You sur RIG. Et c'est vrai, je vis pour vous. All alone in this world, am I? Not a care for this world, have I? Only you keep my eyes open wide. Yes, it's true, I live for you. From all that has grown in this darkness, I wait for the day. Yes, it's true, I live for you. C'était George Harrison sur RIG. Il est temps de parler de quelqu'un qui vit à Londres. Et j'espère retourner à Londres très bientôt. On ne sait jamais. Peut-être qu'on s'y retrouvera. Voici donc venir le temps de Beatles Magazine. Si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, sur les albums qui sortent de Paul, par exemple, les tournées de Paul, les albums de Ringo, les tournées de Ringo, les albums des proches de ces gens-là, comme Eric Clapton, par exemple, ou même, si vous voulez savoir qui fait quelle émission, émission dans quel pays, à quel moment, comme par exemple Michael Honorato le lundi soir dans le New Jersey, comme Brooke Alpin le samedi et le dimanche de l'autre côté, sur la côte ouest des États-Unis, comme Kyle au Canada, et lui c'est le samedi je crois, c'est de, ou moi le mercredi, mais enfin si vous écoutez ce que je suis en train de dire, forcément vous le savez. Il y a des millions de visiteurs chaque jour sur ces pages, les pages Facebook, les pages Google+, les pages Twitter, bref, vous allez sur BeatlesMagazineUK.com et vous saurez tout 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sur les Beatles. Merci Lovely Rita, merci Beatles Magazine. Let's go. Told you they bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning while my guitar gently weeps. Every mistake must surely be learning. Still my guitar gently weeps. We'll be right back. George Harrison au meilleur de sa forme sur l'album blanc 1968. Quelle superbe chanson. While My Guitar Gently Weeps. Et dire que c'est parti de presque rien, juste un livre sur une étagère sur laquelle était écrit Gently Weeps. On remonte un petit peu le temps avec l'album Revolver et She Said, She Said. On va s'arrêter sur cette chanson. Nous sommes en août 1965. Lorsque leur tournée américaine les emmena en Californie, les Beatles louèrent une villa au 2850 Benedict Canyon pour une semaine et jouèrent à Portland, à San Diego, au Hollywood Bowl et à San Francisco. Un après-midi, ils y organisèrent une grande fête à laquelle se joignirent entre autres Nell Aspinall, Roger McGinn, David Crosby des Byrds, l'acteur Peter Fonda et le correspondant du Daily Mirror, Don Short. Nell Aspinall avait été chargée de m'escorter vers la salle de billard au rez-de-chaussée, se souvient Don Short, parce que j'étais le seul journaliste présent et qu'il voulait détourner mon attention du fait que tous les autres étaient en train de prendre un acide. À l'étage, tout le monde, sauf Paul, c'est écrit, hein, c'est pas moi qui le dis, était effectivement en plein trip. C'était la première fois que John et George prenaient délibérément du LSD. Ils étaient impatients de connaître les plaisirs après les terribles visions de leur première expérience involontaire. Oui, rappelez-vous un petit peu avant avec Bob Dylan. Peter Fonda était un habitué et faisait office de guide. Je me souviens que j'étais assis sur la terrasse avec George qui me disait qu'il avait l'impression d'être en train de mourir, raconte Peter Fonda. Je lui dis alors qu'il n'avait aucune raison de s'inquiéter, qu'il fallait juste qu'il se détendent, que je savais ce que c'était d'être mort parce qu'à l'âge de 10 ans, je m'étais accidentellement tiré une balle dans le ventre. Mon cœur s'est arrêté de battre 3 fois sur la table d'opération parce que j'avais perdu trop de sang. John passait par là et m'a entendu dire « Je sais ce que c'est d'être mort ». Il m'a regardé et m'a dit « Tu me donnes l'impression que je ne suis jamais né. Qui t'a mis toutes ces conneries dans la tête ?» Roger McGinn pensait que cette idée avait énervé John parce qu'il se sentait mal dans sa peau. Il faut dire que la première maquette de She Said, She Said était encore plus agressive que la version finale. I Said Who put all that crap in your head? You know what it's like to be dead, and it's making me feel like my trousers are torn. J'ai dit, qui t'a mis ces conneries dans la tête, que tu sais ce que c'est d'être morte, ça me faisait l'effet d'avoir déchiré mon pantalon. Mais John trouva que cela menait nulle part et l'abandonna. Quelques jours plus tard, il a repris et cherchait un couplet. J'ai pris la première chose qui m'est passée par la tête, et c'était When I Was a Boy sur un tempo différent. Mais c'était réel, parce que cela venait juste d'arriver. She Said fut composé en deux temps, mais Peter Fonda n'a aucun doute sur son origine. Lorsque j'ai entendu Revolver pour la première fois, j'ai su tout de suite d'où cette chanson venait, même si John ne l'a jamais admis devant moi, et bien qu'il n'en ait jamais parlé à personne à cette époque. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette chanson. RIG 90.7, la radio des Beatles. I've got a word or two to say about the things that you do. You're telling all those lies about the good things that we can have if we close our eyes. Do what you want to do and go where you're going to. Think for yourself, cause I will be there with you. Far behind the ruins of the life that you have in mind. And though you still can see, I know your mind's made up. You're gonna cause more misery. Do what you want to do and go where you're going to. Think for yourself, en 1965 sur l'album Rubber Soul. On progresse de quelques années, ou très peu, en 1970 sur l'album McCartney, et ce titre qu'il avait travaillé avec les Beatles mais qu'il a fini par garder pour lui, Teddy Boy sur RIG. Bien sûr, vous continuez à nous rejoindre sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four ou sur macaclub.com ou sur Twitter avec le hashtag Saga Fab Four. This is the story of a boy named Ted. If his mother said Ted be good, he would. She told him tales about his soldier dad, but it made her sad and she cried, oh my. Ted used to tell her he'd be twice as good, and he knew he could, cause in his head he said, Mama, don't worry, my Teddy Boy's taking good care of you. Mama, don't worry, your Teddy Boy's here, Teddy's gonna see you through. Then came the day she found herself a man. Teddy turned and ran far away. Okay. Couldn't stand to see his mother in love with another man he didn't know, oh no. He found a place where he could settle down, and from time to time in his head he said, Mama, don't worry, my Teddy Boy's here, taking good care of you. Mama, don't worry, your Teddy Boy's here, Teddy's gonna see you. is the story of a boy named Ted. If his mother said Ted be good, he would. Si on y pense, en 1970, rappelez-vous, l'année d'avant, ils ont enregistré Abbey Road, album très compliqué à réaliser. Lennon commence avec un album simple, épuré. McCartney commence avec un album simple, épuré. Ringo, lui, il a choisi les chansons des années 30-40, c'est différemment orchestré, mais bon, c'est son style, pourquoi pas. Et puis, George Harrison, lui, il met le paquet, un mur de son grâce à Phil Spector, entre autres, et il va surprendre tout le monde, George Harrison, et je pense que les gens qui avaient une vingtaine d'années en 1970 ont dû mettre énormément d'argent chez les disquaires en 70, parce que, rendez-vous compte, l'album Let It Be, qui sort également, le dernier album des Beatles, le Lennon, le Harrison, le Star, les deux stars, et le McCartney. Ça devait faire très très cher. Maintenant, on peut les avoir à force au fur et à mesure, mais je pense que quand un album sort, et surtout de cette qualité-là, on devait vraiment, vraiment courir après et puis dire, bah tant pis, on mangera demain ou après-demain. Allez, la réponse est à la fin. C'est George Harrison qui le dit en 1975 sur l'album Extra Texture, Read All About It. C'était écrit sur un paquet de pâtes. Extra Texture, Read All About It. C'est devenu le nom de l'album. The Answers at the End sur RIG. Thank you. such an old romantic. George Harrison à l'instant sur RIG 90.7 pour ceux qui écoutent sur la bande FM. Pour tout le reste du monde, de la France, de l'univers, de encore plus loin, d'autres galaxies. Non, après l'univers, il n'y a pas plus loin en principe. Bref, c'est sur www.rigfm.fr. On revient à l'album de la semaine et là, carrément, on a très mal. C'est Your Blues, John Lennon et les Beatles sur RIG. You know the reason why. Girl, you know the reason why. My mother was of the sky. My father was of the earth. But I am of the universe. And you know what it's worth. I'm lonely. Wanna die. If I ain't dead already. Girl, you know the reason. Ringo Starr en 1973. L'album s'appelle Ringo, tout simplement. Il a d'ailleurs rassemblé les trois copains, ses trois copains, John, Paul et George, mais pas en même temps. C'était un moment quand même assez difficile puisque Paul avait attaqué ses copains de façon à ce que l'entité Beatles arrête d'exister. Même s'ils n'étaient plus ensemble depuis 1970, l'entité Beatles continue à exister à cause du contrat. Et il fallait qu'il les attaque en les traitant de pas bien, de façon à ce que ça casse et qu'ils puissent récupérer son argent, etc., etc. Sinon, eh bien, ce que faisait Paul était versé en partie à John, etc., etc., et inversement. Donc, voilà, c'était méchant peut-être, mais c'était pour obtenir quelque chose de bien. Et puis ils se sont tous pardonnés parce que quand on a vécu l'aventure qu'ils ont vécu comme ils l'ont vécu, et bien forcément ça crée des liens, et de sacrés liens. Ils sont amis pour la vie, ils sont frères, et voilà. Donc c'était Ringo Starr à l'instant avec Oh My My, avec une basse extraordinaire, une batterie qui roule, et bon, un bon titre en tout cas, extrait de l'album Ringo. Voici les Beatles en 1967. Et ce titre, Baby, You're a Rich Man. Mais juste auparavant, j'avais calé un jingle que j'avais prévu de passer sans parler. J'ai parlé parce que je sais qu'on a du temps. Et j'adore ce jingle. Merci Nathalie de me l'avoir créé. Thierry Gallet, animateur radio. Un homme et le Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. comme pour A Day in the Life, les deux chansons inachevées pardon, furent accolées pour créer Baby You're a Rich Man, avec en ouverture une section due à John, laquelle devait initialement s'appeler One of the Beautiful People, avant d'enchaîner sur le refrain de Paul, Baby You're a Rich Man. Les Beautiful People, les belles gens, étaient le nom que se donnaient les membres d'une génération de hippies avec des cheveux longs et l'amour libre et la drogue. Et ils avaient créé une alternative à la société qu'ils appelaient straight. L'homme riche de la composition de Paul était réputé être Brian Epstein. Dans une maquette de la chanson, John s'amuse à changer les paroles, transformant, c'est pas politiquement correct, mais je lis ce qui est écrit dans mon bouquin, transformant Baby You're a Rich Man Too, mon ami tu es riche toi aussi, en Baby You're a Rich Fag Jew, mon ami, tu es un riche juif pédé. Ce que je voulais dire, expliqua John plus tard, c'est arrête de te plaindre, tu es riche, nous sommes tous riches. Allez, on passe à autre chose, nous sommes en 1973 et cette chanson qui dure plus de 6 minutes, 6 minutes 20 pour être exact, j'adore cette chanson, je la passe rarement parce qu'elle est longue, c'est Little Lamb Dragonfly, Paul McCartney sur Red Rose Speedway et c'est sur RIG. Vous entendre faire des la la la la la la la, hein, tous ensemble. Help you out, but I cannot help you in. Sometimes you think that life is hard, and this is only one of them. My heart is breaking for you, little lamb. I can help you out, but we may never meet again. I don't live here anymore. just a little paper boy. Your number brought me joy. I call your eyes every night since then, but I ain't never, no, no, never heard you calling me. Rappelle-moi, chantait Paul McCartney en 1975 sur l'album Venus and Mars. Oui, rappelle-moi, je veux absolument que tu me rappelles. Ça, c'est un message personnel. On revient, si vous le voulez bien, et vous n'avez pas le choix, puisque c'est moi qui suis derrière les manettes, à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est The White Album, l'album blanc des Beatles, sorti en 1968. Voici la chanson de John Lennon, Julia. Nombre de chansons de John ont été marquées par le traumatisme subi dans son adolescence lorsqu'il perdit sa mère. Mais Julia est la première composition dans laquelle il en parle directement. Julia Stanley, née à Liverpool en 1914, épousa Frederick Lennon en 1938. John fut leur seul enfant. Lorsque John eut 5 ans, Julia donna naissance à un autre enfant d'un autre père et John fut confié à Mimi, la sœur de Julia. jolie et excentrique, Julia transmit à John son sens de l'humour et son goût pour la musique. Elle lui enseigna le banjo et c'est elle qui lui fit découvrir Elvis Presley. Sa disparition brutale dans un accident de voiture en 1958 survint au moment où elle et John se redécouvraient. Il avait commencé à répéter avec les Quarrymen dans sa maison de Bloomfield Road parce que sa tante Mimi n'aimait pas que l'on fasse trop de bruit. Bien que Julia soit adressée à sa mère, elle contient aussi un message codé pour son nouvel amour. Yoko Ono, l'Ocean Child, l'enfant de l'océan, qu'il appelle dans la chanson, est une référence évidente à Yoko, puisque c'est ce que veut dire son nom en japonais. Les deux premiers vers sont tirés de Sable et écume, un recueil de proverbes du mystique libanais Khalil Gibran, publié en 1927. Gibran avait écrit « Half of what I say is meaningless, but I say it so the half may reach you ». La moitié de ce que je dis n'a aucun sens, mais je le dis pour que l'autre moitié puisse t'atteindre. Le reste de la chanson, au dire de John, fut terminé avec l'aide de Yoko lorsqu'ils se retrouvèrent à Londres. En plus de ses activités de peintre et de réalisatrice, elle était poète, bref, et s'était spécialisée dans les poèmes minimalistes du style haïkyuu. Par exemple, ça c'est moi qui le rajoute, et vous allez trouver tout le sens de l'artiste Yoko Ono que j'adore tant. Un poème de Yoko s'appelle « Water ». Et il n'y a rien d'autre dedans. Et ça, on appelle ça être un artiste. Pas moi. Half of what I say is meaningless, but I say it just to reach you, Julia. Julia. Julia. Oh, child. Sing the song of love, Julia. Julia, seashell eyes, windy smile calls me. So I sing the song of love, Julia. Floating sky is shimmering, glimmering in the sun. Julia, Julia, morning moon, touch me. So I sing the song of love. My heart, I can only speak my mind. Bien sûr, RIG 90.7 de la bande FM et nous arrivons à la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo, George ou les Beatles, mais chantée par vous ou par quelqu'un de connu. Ou alors vous. qui êtes connus aussi finalement, vous êtes des fans de la saga des Fab Four, ou même si les Beatles eux-mêmes reprennent une chanson de Chuck Berry ou de quelqu'un d'autre, donc ça devient la cover. Et bien la cover de ce soir, j'ai choisi, c'est une... Alors là j'ai besoin de ma liste parce que je ne me souviens pas du nom. Il s'appelle John Holt, c'est sur l'album Songs of the Beatles Reggae Style, oui, sorti en 2016. Voici I Will. Donc on est sur l'album blanc? Non, on est sur l'album Reggae Style, donc avec différents artistes. Et voici I Will en reggae sur RIG. Et un animateur extraordinaire. C'est la saga des Fab Four, bien sûr, et c'est sur RIG. Well, now I love my baby. Talk about it. I don't care, but I wanna shout it. Love my baby and that's good enough for me. Yeah, well I love my baby and I wanna shout. I don't know what she's talking about, but I love my baby and it's good enough for me. Well love her in the evening time, love her in the night, love her in the morning when the moon is big and bright. That's right, now I love my baby, wanna shout. Oh, don't know what she's talking about. I love my baby, that's good enough for me. Bam, bam, bam, bam. I said the bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Well, I love my baby, that's good enough for me. That's right. You look a little lonely. Maybe I could meet you. Tell me where to reach you. Second feature. Lord, I can't believe my eyes. I must be dreaming. Give me your number. I'll give you a ring. You look a little hungry. Maybe I could take you. Tell me when to wake you. Looking at the menu. Lord, I can't believe my eyes. I must be dreaming. Give me your number. I'll give you a ring. Oh, man, I know I won't be lonely anymore. Be in my phone. I'm gonna call your home. I won't be lonely anymore. Get alone. Tell me where to reach you, and I'll give you a ring. I'll take you to the pictures, miss a second feature. Lord, I can't believe my eyes, I must be dreaming. Give me your number. Deux morceaux de Paul McCartney qu'il était difficile de trouver auparavant. Love My Baby, extrait de One Hand Clapping, sorti en 1974. C'est un show télévisé. Et I'll Give You a Ring, c'est la j'ai marqué B-side, alors évidemment quand je le lis en français, j'allais dire c'est la B-side. C'est la face B de Take It Away, sorti en 1982. Voilà, tout se passe bien pour vous. Alors je vous propose de revenir en 1969 avec cette superbe chanson. Alors, un petit clin d'œil à Yoko Ono. John Lennon s'est inspiré de Yoko Ono en faisant des paroles hyper simples. I want you, she's so happy. Il n'y a pratiquement rien dans cette chanson au niveau des paroles. Mais par contre, le climat, la musique, l'orchestration qui augmente de plus en plus, c'est quelque chose d'extraordinaire. 7 minutes 47 de bonheur et ça finit brutalement. Voici les Beatles. I want you, she's so happy sur RIG. I want you so bad. It's driving me mad. It's so. Thank you. getting to. Okay. Version tranquille, la version de Revolution qui est incluse dans l'album, l'album blanc des Beatles, le White Album, comme on dit en anglais, ou l'album The Beatles. En 68, en tout cas, ça c'est sûr. Et voici un petit cadeau, une chanson que j'aime beaucoup, McCartney qui ne se prend pas au sérieux et qui retourne à Pepperland sur la RG. And he hears the right nice music in his head. Combien de chansons Paul a comme ça dans ses tiroirs, des chansons qu'il n'a pas sorties officiellement et qui pourtant existent, qui sont parfaitement orchestrées et que on connaîtra un jour sous forme de CD probablement, j'espère, dans longtemps, s'il attend de partir, dans longtemps encore, j'espère. Bon, nous reculons les années, nous arrivons en 1974 où John Lennon n'est pas au mieux de sa forme et pourtant il écrit une superbe chanson, triste mais une superbe chanson, Nobody Loves You When You're Down and Out, c'est-à-dire personne ne t'aime quand tu es à le moral complètement en bas, et même à la fin de la chanson il dit tout le monde t'aime quand tu es 6 pieds sous terre, ça fait froid dans le dos, c'est pourtant une de ses plus belles chansons tristes de John Lennon sur l'album Walls and Bridges, et c'est sur RIG. Thank you. Allez, comme tout à l'heure, j'ai dit une vacherie sur Yoko, une vacherie que je pense, que elle n'est pas une artiste pour moi. Voici une chanson pour Yoko. Dear Yoko, en 1980 sur Double Fantasy. Well, even after all these years, I miss you when you're not here. I wish you were here, my dear Yoko. Even if it's just a day, I miss you when you're away. I wish you were here today, hey, dear Yoko. Even if it's just one night, I miss you when it don't feel right. I wish you were here. Que le temps passe vite. Encore 12 minutes d'émission et 12 minutes seulement. Vite, vite, vite. Voici George Harrison dans quelques secondes sur RIG avec cette superbe chanson. Il a écrit cette chanson lorsqu'il s'est fait avoir pour plagiat, soi-disant. Quoique la chanson est assez proche. Quand il a écrit My Sweet Lord, ça ressemblait furieusement à He's So Fine des Chiffons. Et comme il a voulu le prendre du bon côté, si on veut, il a écrit une chanson qui dit cette chanson, elle est avec un accord en E. Alors ça, j'ai jamais compris l'équivalent anglais de Do Ré Mi Fa Sol La Si Do, c'est en E. Cette chanson, mes gars me disent que le copyright est ok, etc., etc. Et le clip de Des Sang se passe dans un tribunal. Il est absolument marrant, super bien. Voici George Harrison, Des Sang sur RIG. La saga des Fab Four, c'est sur RIG. Bah bien sûr. Je l'ai dit, c'est pas la peine de le répéter. Décembre 1976, extrait de l'album 33 1/3. Don't even read your anyone's copyright, sir. dernier morceau de l'album blanc, ça vous dit ? Voici Don't Pass Me By, Ringo Starr et les Beatles sur RIG. Listen for your footsteps coming up the drive. Listen for your footsteps, but they don't arrive. Waiting for your knock, dear, on my old front door. I don't hear it. Does it mean you don't love me anymore? I hear the clock ticking on the mantel shelf. See the hands are moving, but I'm by myself. I wonder where you are tonight, and why I'm by myself. I don't see you. Does it mean you don't love me anymore? Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue. You know, darling, I love only you. You'll never know it hurt me so. I'll hate to see you go. Don't pass me by. Don't make me cry. I'm sorry that you, I was so unfair. You were in a car crash and you lost your hair. You said that you would be late about an hour or two. Well, dear, that's alright, I'm waiting here, just waiting to hear from you. Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue. Darling, I love only you. You'll never know it hurt me so. I hate to see you go. Don't pass me by. Don't make me cry. Don't make me cry, don't make me blue. Cause you know, darling, I love only you. You never know it hit me so. I'll hate to see you go. Don't pass me by. La saga des Fab Four, c'est John, Paul, Ringo et George avec Thierry Gallet. Bonsoir, je m'appelle Pascal et je prends ma voix d'hôtesse de l'air pour vous dire que j'écoute la saga depuis Bordeaux. Bonne soirée avec Thierry. Baby, album de George Harrison qui s'appelle George Harrison en 1979. Je vous conseille cet album également, c'est un très très bon album. On va finir cette émission puisqu'il est 22h passé avec trois titres. Instant Karma, John Lennon au début des années 70. Ensuite viendront Sgt Pepper, mais la reprise, puis A Day in the Life. Et ça marquera la fin de cette saga des Fab Four. Laughing in the face of love. What on earth you trying to do? face before. Nobody was really sure if he was from the house of law. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look. Requête spéciale venue de Nathalie sur Facebook. Oh, Ouais, je sais, je sais. Oh, on en voudrait encore, on en voudrait encore. Bah, ce sera la semaine prochaine. Merci à tous et à toutes. Et surtout à toi d'avoir écouté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bises aux filles, moyennement aux garçons. Et à très bientôt. Ciao. Sur l'album Back to the Egg, et ce sera vraiment la dernière.